J'adore cette punchline-là. Pas de panique, j'ai pris le pique-nique. Tout à fait, pas de panique car j'ai pris le pique-nique, la carotte. Plus personnellement, est-ce que tu fumes ? Non, je ne fume plus, je vapote. Je ne bois pas d'alcool ni de café, je suis bien sage. Le rap, c'est un métier pour toi ? Oui, le rap, c'est un métier, bien sûr, à la base. Il y a des professionnels qui ont percé là-dedans. Mais pour moi, c'est plutôt un jeu qu'autre chose. Qu'est-ce qui te motive pour sortir cet album et continuer dans le rap ? Cet album, eh bien, je l'ai attendu pendant très longtemps parce que mon projet pour le troisième album de The Mafia et fermer la trilogie, c'était d'avoir un concept original que je n'ai jamais attendu auparavant. Pour moi, c'est un aboutissement. Tu es sur les réseaux sociaux ? Il y en a qui utilisent Facebook, Instagram comme plaisir personnel. Moi, j'utilise Jamendo comme réseau social parce que c'est un plaisir de partager avec vous mes chansons et mon délire. Quelle est ta plus grosse nostalgie musicale ? Alors là, on va faire simple. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Ma plus grosse nostalgie, il y en a, c'est les vinyles. Moi, c'est le baladeur audio avec les cassettes. L'esprit de rembobiner, d'attendre, d'enregistrer, c'était pas possible. C'est une très belle époque que je me souviendrai. Tu es console de jeu rétro ou next gen ? Ah, la question événementielle. Ben oui, la next gen, c'est un gros flop qu'ils ont fait. Ils ont sorti les consoles et il n'y a pas de jeu qui suit. La seule avancée qui peut être intéressante par rapport aux anciennes consoles, c'est le SSD et le Ray Tracing. À part ça, je vois pas l'intérêt. Pour ce qui est de jeux rétro, non, moi, je suis pas un jeu de rétro, zap. En parlant de jeux, voici jeux réels à suivre.